Chapitre 31e. Accueil reçu par l'ouvrage du capitaine Basil Hall dans les États-Unis. Étant maintenant arrivé presque jusqu'à la fin de nos voyages, j'ai dessein, avant de quitter la plume, de parler encore ici de ce que je regarde comme un des traits les plus remarquables du caractère national américain. Je veux dire l'extrême susceptibilité qui les rend particulièrement sensibles à tout ce qu'on peut dire ou écrire sur eux. L'exemple le plus notable que j'en puisse donner est peut-être l'effet que produisit sur toutes les classes de lecteurs l'apparition des voyages dans l'Amérique septentrionale du capitaine Basil Hall. Dans le fait, ce fut une sorte de tremblement de terre moral, et la vibration qu'il fit ressentir à tous les nerfs de la République, depuis un bout de l'Union jusqu'à l'autre, n'était pas encore calmée quand je quittai ce pays en juillet 1831, une couple d'années après le premier choc. J'étais à Cincinnati quand cet ouvrage arriva en Amérique, et ce ne fut qu'en juillet 1830 que je pus m'en procurer un exemplaire. Un libraire, à qui je m'adressais, me dit qu'il en avait eu quelques exemplaires avant de savoir quelle était la nature de l'ouvrage, mais que depuis qu'il le connaissait, rien ne pourrait le déterminer à en vendre un seul. Il faut pourtant que tous ses confrères n'aient pas été si scrupuleux, car ce voyage fut lu dans les cités, dans les villes, dans les villages, dans les hameaux, sur les bateaux à vapeur et dans les diligences. Et aussitôt, on poussa partout une espèce de tollé général auquel ma mémoire ne se rappelle rien de comparable. Il fut heureux pour moi que je n'ai pu me procurer ces volumes qu'après en avoir entendu généralement parler, car la curiosité que j'éprouvais de connaître le contenu d'un ouvrage si violemment anathématisé me porta à faire des questions qui donnèrent l'essor à des sentiments très curieux. Désirer ardemment l'approbation des autres et être vivement sensible à la critique, c'est, je crois, ce qu'on a toujours regardé comme des traits de caractère qui n'ont rien que de louable. Mais l'état dans lequel l'apparition de l'ouvrage du capitaine Hall jeta la République prouve clairement que ces sentiments, s'ils sont portés à l'excès, produisent une faiblesse qui va jusqu'à l'imbécilité. Il était tout à fait étonnant d'entendre des hommes qui, sur d'autres sujets, avaient quelques jugements, émettre leur opinion sur celui-ci. Jamais la passion n'a si complètement triomphé du sens commun qu'on trouve en général dans la critique que fait toute une nation. Je ne parle pas d'une interprétation franche et libérale. Peut-être ne devait-on pas s'y attendre. On a dit de certaines nations qu'elles avaient la peau fine, mais les citoyens des États-Unis paraissent n'en avoir pas du tout. Ils tressaillent au moindre vent, à moins qu'ils ne soient tempérés par l'adulation. Il n'est donc pas étonnant que les observations pleines de sens et de force d'un voyageur qu'il savait devoir être écouté les aient mis de mauvaise humeur. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette circonstance, c'est d'abord l'excès de rage qui les transporte, et ensuite la puérilité des inventions par lesquelles ils cherchèrent à expliquer la sévérité avec laquelle ils s'imaginaient avoir été traités. Peu content de déclarer que cet ouvrage, du commencement à la fin, ne contenait pas un mot de vérité, assertion que j'ai entendu faire chaque fois qu'on en parlait, tout le pays se mit à la torture pour découvrir pourquoi le capitaine Hall était venu dans les États-Unis et pourquoi il avait publié son ouvrage. J'ai entendu dire avec autant d'aplomb et de gravité que si cette allégation eût été fondée sur une déclaration officielle, que le capitaine Hall avait été envoyé en Amérique par le gouvernement anglais, tout exprès, pour réprimer l'admiration croissante de l'Angleterre pour le gouvernement des États-Unis, que c'était par ordre de la trésorerie qu'il y était venu et que c'était par obéissance à ses ordres qu'il avait trouvé quelque chose à critiquer. Je ne donne pas cela comme le bavardage d'une coterie. Je suis convaincu que c'est la ferme croyance d'une portion très considérable des habitants du pays. Ce peuple singulier est si fortement persuadé qu'on ne peut le voir sans l'admirer qu'il ne veut pas admettre la possibilité que quelqu'un trouve franchement et sincèrement quelque chose à blâmer, soit dans les individus, soit dans le pays. Il m'est tombé sous la main, à Philadelphie, un petit ouvrage anonyme, composé pour prouver qu'on ne pouvait compter aucunement sur ce que disait le capitaine Hall, tant parce qu'il avait calomnié les Américains, que parce que c'était, sous d'autres rapports, un homme d'une morale fort équivoque. On donne la preuve de ce dernier reproche en citant un passage dans lequel l'auteur en compte avec enjouement de l'embarras dans lequel il se trouva faute de sonnette. Le commentateur l'appelle un exemple de grossièreté choquante. Un jour, je m'étais levé un peu plus tard pour le déjeuner, et comme il n'y avait pas d'eau dans mon pot, je partis en poste, à demi rasé, à demi vêtu et plus qu'à demi mécontent pour chercher de l'eau, comme un marin à demi ration cherche quelques ruisseaux sur une côte inconnue. Je montai, je descendis, et dans le cours de mes recherches, j'entrai dans une demi-douzaine d'appartements différents, au risque de tomber dans la chambre de quelques dames, comme dit la chanson, ce qui, dans l'état où j'étais, aurait été assez embarrassant. On cite encore un autre indice de cette grossièreté morale dans le passage, où le capitaine Hall dit qu'il n'a jamais vu un seul exemple de flirtation pendant tout le temps de son séjour dans les États-Unis. L'accusation d'ingratitude se répéta aussi de bouche en bouche, qu'il lui-même rendut témoignage du bon accueil qu'il avait invariablement reçu, et que pourtant il eût critiqué le pays, c'était, disait-on partout, une preuve de la plus abominable ingratitude qui fût jamais entrée dans le cœur de l'homme. Je me hasardai une fois à demander devant une douzaine de personnes si un auteur ne serait pas beaucoup plus coupable de souffrir que des bontés individuelles le portassent à falsifier les faits qu'en les rapportant avec vérité, en dépit de toute considération personnelle. « Des faits ?» s'écria tout le cercle en même temps. « Des faits, je vous dis qu'il n'y en a pas un seul depuis le commencement jusqu'à la fin. » Les revues américaines sont, je crois, pour la plupart bien connues en Angleterre. Je n'ai donc pas besoin de les citer ici, mais j'ai quelquefois été surprise qu'aucune d'elles n'ait songé à traduire en américain classique la malédiction d'Obadiah. Si elle l'avait fait, en se bornant à mettre entre deux parenthèses « lui, Basil Hall, au lieu de lui, Obadiah », elle se serait épargnée beaucoup de peine. Je puis à peine peindre la curiosité avec laquelle je me mis à lire ce terrible ouvrage, et il m'est aussi impossible de décrire la surprise que cette lecture m'inspira. Dire que je n'y trouvais pas une seule exagération, ce ne serait certainement pas dire assez. Il est impossible à quiconque connaît ce pays de ne pas voir que le capitaine Hall y cherchait avec empressement des choses qu'il put admirer et louer. Quand il donne des éloges, c'est avec un plaisir évident, et quand il blâme, c'est aussi évidemment avec répugnance et contrainte, à moins que des motifs purement patriotiques ne l'obligent à dire ce qui, pour l'avantage de son propre pays, doit être connu. Dans le fait, le capitaine Hall a vu l'Amérique sous le jour le plus favorable. Porteur de lettres de recommandation pour les individus les plus distingués, et précédé par l'appui encore plus efficace de sa propre réputation, il fut reçu avec apparat d'un bout de l'Union à l'autre. Il vit ce pays en grand costume, et il n'eut que rarement ou pas du tout l'occasion de le voir sans confession, sans absolution, sans onction sainte, et chargé de toutes ses imperfections, occasion que ma famille et moi nous ne trouvâmes que trop souvent. Le capitaine Hall se trouva certainement très à portée de prendre connaissance de la forme du gouvernement du pays et des lois, et d'entendre en outre les meilleurs commentaires possibles sur ce sujet, en conversant avec les citoyens les plus distingués. Il mit à profit ces occasions. Rien d'important ne frappa ses yeux, sans recevoir de lui cette sorte d'attention analytique qui n'appartient qu'à un voyageur philosophe et expérimenté. C'est ce qui a rendu ces volumes si intéressants et si précieux. Mais je suis très persuadé que si un homme doué de la même pénétration allait dans les États-Unis sans autre moyen de connaître le caractère national que celui que peuvent offrir les relations habituelles et journalières de la vie commune, il concevrait une idée infiniment plus défavorable de l'atmosphère morale du pays. Je suis intimement convaincu que si le capitaine Hall ne se fût imposé une forte contrainte, il aurait exprimé une indignation beaucoup plus profonde qu'il ne l'a fait sur beaucoup de points du caractère américain que d'autres circonstances prouvent qu'il connaissait parfaitement. Il paraît avoir pris pour règle de ne dire de la vérité que ce qui était nécessaire pour donner des idées correctes à ses lecteurs en blessant le moins possible la nation susceptible qui était le sujet de son ouvrage. Il énonce ses opinions et ses sentiments et laisse en conclure qu'il a eu de bonnes raisons pour les adopter, mais il épargne aux Américains l'amertume des détails. S'il plaît à quelqu'un de dire qu'une antipathie injuste pour 12 millions d'étrangers est la cause de mon opinion, il faut m'y résigner. Et s'il s'agissait d'une question de pure théorie, je ne m'exposerais certainement pas aux injures auxquelles je dois m'attendre en l'énonçant. Mais tel n'est pas l'état des choses. Je sais que parmi les meilleurs, les plus pieux et les plus bienveillants de mes concitoyens, il se trouve par centaines, peut-être même par milliers, des hommes qui croient consciencieusement qu'il nous serait utile de jouir d'un plus grand degré de liberté politique et religieuse, d'une liberté telle que celle qui existe en Amérique. Combien de fois n'ai-je pas désiré, pendant mon séjour dans les États-Unis, qu'un de ces raisonneurs consciencieux mais égarés, possédant toute la confiance de son pays, pût passer quelques années dans les États-Unis, suffisamment mêlé à la masse des citoyens pour les connaître, et ayant assez de loisirs pour remonter des effets aux causes. Nous pourrions alors espérer une relation qui apprendrait à ces philanthropes trompés à trembler à chaque symptôme de pouvoir démocratique parmi nous. Une relation qui ferait frémir nos sectaires à la seule idée de renverser notre Église établie, car ils apprendraient par un exemple redoutable que c'est le boulevard qui nous garantit des sombres horreurs du fanatisme et de la superstition d'une part, et de l'autre des invasions encore plus à craindre de l'incrédulité. Bien plus, un tel homme verrait, avec la dernière évidence, que lorsque chaque classe est occupée à gagner de l'argent et qu'aucune ne songe à en dépenser, il ne peut avoir ni assez de loisirs pour honorer en théorie l'honnêteté, ni de motifs assez forts pour mettre en pratique la doctrine restrictive. Quand chacun est occupé à faire des bons marchés avec ses semblables, où trouver la classe honorable pour qui cette théorie, cette pratique et tous les sentiments d'honneur sont une recommandation nécessaire? Qu'il existe en Amérique des hommes d'une intelligence supérieure, d'un esprit élevé, d'un jugement profond, je le sais. Et si on me le demandait, je pourrais y nommer des individus que nul habitant d'une autre contrée ne pourrait surpasser sous ce rapport. Mais ils les possédaient en dépit et non par suite des institutions de leur pays. Ce ne sont pas de pareils hommes qui appellent le capitaine Hall un calomniateur, et ce ne sont point eux qui m'adresseront les injures que je sais fort bien que ces pages m'attireront inévitablement. J'espère seulement que j'aurai autant d'empire sur moi-même que mon prédécesseur, qui, dans ses fragments récemment publiés, assure qu'il n'a lu aucune des critiques dont son ouvrage a été l'objet en Amérique. Il ne pouvait mieux faire s'il désirait conserver quelques parcelles de son sentiment de bienveillance pour l'Amérique, et il n'a perdu que peu de choses du côté de l'instruction, car ses critiques, en général, ne consistent qu'en personnalité et en plaintes amères de son ingratitude et de la manière dont il a traité les Américains, plaintes qu'il est étonnant qu'aucune personne de bon sens puisse se permettre. Les extraits suivants tirés des fragments doivent, je crois, mettre dans quelque embarras les citoyens des États-Unis. Il est possible qu'ils pensent que le capitaine Hall se moque d'eux en disant qu'il n'a pas lu leurs critiques, mais je crois qu'il y a dans ces passages une preuve interne qu'il ne les a pas vus. S'il avait lu la 50e partie des diatribes qui ont été publiées contre son voyage, et que j'ai eu le malheur de lire, il aurait pu à peine se décider à écrire ce qui suit. Si les Américains se refusent encore à serrer la main qu'il aurait présentée dans l'ancien et véritable esprit de John Bull, ils sont encore pires que je ne le suppose. Le capitaine Hall, après avoir parlé de l'accueil hospitalier qu'il reçut dans une maison où l'on prenait des pensionnaires à New York, ajoute « Si notre hôtesse vit encore, j'espère qu'elle ne se repentira pas des attentions obligeantes qu'elle a eues pour un homme qui, tant d'années après, s'est rendu à ce qu'il craint moins populaire dans son pays qu'il ne désirait l'être parmi un peuple auquel il doit tant et pour lequel il éprouve réellement tant d'affection. Il se flatte pourtant encore que, n'ayant dit dans son ouvrage récemment publié que ce qu'il croyait devoir à la stricte vérité et à l'intégrité de l'histoire, il éprouve encore, comme il l'a toujours éprouvé et comme il l'éprouvera toujours pour l'Amérique, la bienveillance la plus cordiale. » Les Américains répètent sans cesse que la pierre fondamentale de leur liberté est posée sur la doctrine que chacun est libre de se former une opinion et de la publier avec franchise et modération. Entend-il qu'un étranger ne jouit pas du même privilège? Dans le cas contraire, puis-je demander en quoi j'ai outrepassé ces limites? Les Américains n'ont sûrement pas le droit de s'offenser, parce que ma manière de voir diffère de la leur, et cependant on dit que j'étais rudement traité par la presse de ce pays. S'ils ne croient pas à la pureté de mes motifs, tout ce que je puis dire, c'est que j'ai été cruellement calomnié. Si je me suis trompé, il y aurait certainement plus de dignité, de la part de ceux avec qui je diffère d'opinion, à montrer du regret de mon aveuglement politique, qu'à se livrer à des emportements, et s'il arrive que j'ai raison, les personnes impartiales trouveront peut-être la meilleure preuve que mes observations sont justes, dans la susceptibilité excessive de ceux qui regimbent quand on dit la vérité. Après tout, cependant, peu de choses me feraient un plus véritable plaisir que de savoir que mes amis de l'autre côté de l'eau consentiraient à me croire sur ma parole, et que, considérant tout ce que j'écris sur l'Amérique comme affaire publique, ils voudraient bien me regarder comme un ami privé en mon absence, comme ils l'ont toujours fait quand j'étais parmi eux, et comme je suis sûr qu'ils le feraient encore si j'y retournais. Mes opinions politiques étaient alors différentes des leurs, et elles le sont encore aujourd'hui. Mais je leur souhaite tout le bonheur possible comme individus, et comme nation, je me réjouirai de leur prospérité. Pour emprunter l'expression des Persans, que puis-je dire de plus? Je me flatte seulement que ce peu de mots aideront à faire ma paix avec un peuple qui se pique avec justice de ne pas être méchant. Quant à moi, je n'ai point de paix à faire, car j'ai évité avec soin de lire aucune des critiques de mon ouvrage publié en Amérique pour ne pas risquer de nuire au sentiment d'affection que j'ai toujours nourri pour ce pays. En m'abstenant, je puis avoir perdu l'occasion d'acquérir quelques informations et de rectifier quelques impressions erronées. Mais je tiens tellement aux souvenirs agréables de ce voyage en lui-même et de l'hospitalité avec laquelle ma famille a été accueillie partout, que ce soit que j'ai tort, soit que j'ai raison, je ne puis me résoudre à rien lire qui puisse troubler ces douces idées. Quittons-nous donc en paix, ou plutôt, retrouvons-nous en communication cordiale. Si ce petit ouvrage arrive de l'autre côté de l'Atlantique, j'espère qu'on le lira sans égard à ce qui s'est passé entre nous, ou, dans tous les cas, en n'ayant égard qu'à la portion de nos relations qui est satisfaisante pour toutes les parties. Fragment, volume 1, page 200. Je crois réellement qu'il est impossible de lire non seulement ce passage, mais plusieurs autres de ces charmants petits volumes, sans être convaincu que leur auteur ne mérite nullement d'être accusé de dureté et de malveillance. En lisant l'ouvrage du capitaine Hall sur l'Amérique, l'observation suivante fut, je crois, celle qui me frappa le plus fortement, et elle est parfaitement analogue à ma propre opinion. Dans tous mes voyages, tant chez les païens que chez les chrétiens, je n'ai jamais trouvé un peuple de qui il ne fût à beaucoup près aussi difficile de me faire comprendre que les Américains. J'ai souvent conversé à Londres et à Paris avec des étrangers de différentes nations, et souvent en employant pour moyen de communication un idiome imparfaitement compris de part et d'autre. Mais je ne me rappelle aucune occasion où j'ai trouvé la même difficulté à faire connaître mes sentiments, mes impressions et mes opinions à ceux qui m'entouraient que ça m'est arrivé en Amérique. Quelque confiance qu'on puisse accorder à mon assertion, il faut avoir été en Amérique pour concevoir jusqu'à quel point c'est une vérité. Pour que des personnes qui s'entretiennent ensemble se comprennent mutuellement, il est, je crois, moins nécessaire qu'elles parlent la même langue qu'il ne l'est qu'elles se ressemblent, jusqu'à un certain point, par la manière de penser et par les habitudes ordinaires de la vie, au lieu que, dans le fait, il existe à peine un seul point de similitude entre les Américains et nous. Mais quelle qu'en soit la cause, le fait est certainement tel que je viens de l'énoncer, et c'est, je crois, la seule excuse qu'on puisse trouver pour la colère déplacée et vulgaire qu'ils ressentirent et qu'ils exprimèrent contre l'ouvrage du capitaine Hall. Ils ne pourraient réellement, quand même ils le voudraient, entrer dans aucune de ses vues, ni comprendre ses sentiments les plus simples. La candeur avec laquelle il s'exprime, et qui est évidemment naturelle en lui, ils la prennent pour de l'ironie, ou pour une méfiance totale. La répugnance qu'il éprouve à blesser des personnes qui ont eu pour lui des bontés, il la traite dédaigneusement d'affectation. Et quoiqu'ils doivent savoir parfaitement, dans le secret de leur cœur, qu'ils étaient à sa merci plus qu'il ne lui a plu de le leur faire sentir, ils prétendent, même entre eux, qu'il a peint avec exagération et sous le plus mauvais point de vue leur caractère et leurs institutions. La vérité est pourtant qu'il les a traités avec des égards qu'il pouvait lui convenir d'avoir, quelque peu qu'ils fussent mérités, tandis qu'il a en même temps exagéré leur mérite toutes les fois qu'il lui a été possible d'en parler en termes favorables. On peut fort bien concevoir que les principes tories, professés par le capitaine Hall, ne soient pas approuvés dans les États-Unis, d'autant plus qu'avec une hardiesse imprudente, sous le rapport de la vente d'un ouvrage dans ces temps de réforme, il fait volontairement une profession de foi politique, dans laquelle, pour me servir d'une phrase de Kentucky, il montre le cochon tout entier, et qu'il avoue hardiment dans son dernier chapitre non seulement qu'il tient fermement à l'Église et à l'État, mais qu'il regarde la Chambre des communes d'Angleterre, sinon comme offrant une perfection absolue, du moins comme aussi parfaite, quant à la représentation du peuple, qu'il est possible qu'elle le soit en pratique. Un Tory, un anti-réformateur si prononcé, prétendant juger le jeu des ressorts du système démocratique américain, fut naturellement regardé comme une abomination monstrueuse en Amérique, et même chez nous, à ce que j'entends dire. L'expérience que le capitaine Hall a acquise en voyageant pendant 20 ou 30 ans dans toutes les parties du monde ne compte pour rien dans l'esprit des radicaux de l'autre côté de l'Atlantique. Au contraire, plus l'autorité, qui est le résultat des observations personnelles, doit avoir de valeur, plus ils sont courroucés d'en voir jeter tout le poids dans le plateau opposé. Si le capitaine Hall, par suite de ce qu'il vit dans les États-Unis, n'avait renoncé au principe des Whigs, qu'il avait professé dans sa description de l'Amérique méridionale, son ouvrage aurait été beaucoup plus populaire en Angleterre pendant les 2 dernières années d'agitation publique. Il se passera peut-être longtemps avant qu'on y rende justice en Amérique, mais il en faudra probablement moins pour établir chez nous ses droits à l'attention.